Question 19. La signalisation annonce un passage à niveau. Sans barrière, réponse A. Avec barrière, réponse B. Je pourrais rencontrer un feu rouge? Oui, réponse C. Non, réponse D.